parce qu'ils ne se font pas dans la masse, parce qu'ils font partie de la race, ceux qui savent recevoir à la terrasse. Parce qu'ils ne restent pas sur le bord, parce qu'ils décident de leur sort, alors pour une soirée, voici quelques accords. Je sais notre rapport à l'univers. Cette escale se repère, quelques mots, quelques notes, quelques vers, c'était le moins que l'on puisse faire. Aucun sens à la démarche, mais bon Dieu, qu'est-ce que ça cache? Ferait-il partie de cette arche? Dans la masse, parce qu'ils appartiennent encore à la race, ceux qui savent recevoir à la terrasse.